le 19 décembre. Cher papa Faucheux, vous n'avez jamais répondu à ma question qui pourtant était très importante. Êtes-vous chauve? Je me représente exactement quelle figure vous avez et j'en suis satisfaite. Mais lorsque j'arrive à votre crâne, là, je suis forcée de m'arrêter. Je ne sais pas si vous avez des cheveux blancs ou des cheveux noirs ou grisonnants ou peut-être n'en avez-vous pas du tout. Voulez-vous savoir de quelle couleur sont vos yeux? Ils sont gris et vos sourcils font saillie comme l'auvent d'un porche. Votre bouche est une ligne droite dont les coins ont une tendance à descendre. Vous voyez que je le sais. Vous êtes un vilain grincheux avec un seul caractère. La cloche pour les prières du soir. 9h45 PM. Je viens d'adopter une règle de ne jamais travailler la nuit, quels que soient les devoirs pour le lendemain matin. Au lieu de cela, je ne lis que des choses qui m'amusent. Il le faut, vous le savez bien, car j'ai 18 années blanches derrière moi. Vous ne pouvez croire, papa, combien mon esprit est un abîme d'ignorance. J'en sens moi-même la profondeur. Les choses que savent par absorption la plupart des jeunes filles qui ont une famille complète et un foyer et des amis et une bibliothèque, je n'en ai même jamais entendu parler. Par exemple, je n'ai jamais lu La Merloi, ni David Copperfield, ni Ivan Noé, ni Cendrillon, ni Barbe Bleue, ni Robinson Crusoe, ni Jane Eyre, ni Alice dans le Monde des Merveilles, ni une ligne de Rudyard Kipling. Je ne savais pas que Henri VIII s'était marié plus d'une fois, ni que Shelley était poète. Je ne savais pas que la Terre avait subi des transformations avant de parvenir à son état actuel. Je ne savais pas que les lettres RLS voulaient dire Robert Louis Stevenson, ni que George Eliot était une femme. Je n'avais jamais vu une reproduction de la Mona Lisa, et, vous aurez peine à le croire, je n'avais jamais entendu parler de Sherlock Holmes. Aujourd'hui, je sais tout cela, et quantité d'autres choses. Mais, comme vous voyez, j'ai encore beaucoup à rattraper. Mais que tout cela est amusant. Je pense toute la journée à la soirée qui va venir. Puis j'inscris sur ma porte « Occupé ». J'endosse mon joli peignoir rouge, je mets mes pantoufles fourrées, j'empile tous les coussins du canapé derrière mon dos, j'allume ma lampe et je lis, je lis, je lis. Un seul livre ne suffit pas, j'en ai quatre qui marchent de front. En ce moment, ce sont les poèmes de Tennyson, La foire aux vanités, les contes simples de Kipling, et ne riez pas, future femme. Il paraît que je suis ici la seule qui, comme enfant, n'ait pas été nourrie de ce livre de future femme. Bien entendu, je n'en ai rien dit à personne. On m'aurait trouvé vraiment bizarre. Je suis allée tout tranquillement l'acheter avec le dollar qui me restait encore du dernier mois. Et la prochaine fois qu'on parlera de citron mariné, je saurai de quoi il s'agit. La cloche de 10 heures sonne. Voici une lettre fréquemment interrompue. Samedi. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai fait de nouvelles explorations dans le domaine de la géométrie. Vendredi dernier, nous avons abandonné nos travaux sur les parallélépipèdes pour arriver au prisme tronqué. Nous trouvons le chemin rude et ardu. Dimanche. Les vacances de Noël commencent la semaine prochaine et on a monté les malles. Les corridors sont si encombrés qu'on a peine à passer. Tout le monde est tellement surexcité qu'on ne travaille guère. Je passerai d'excellentes vacances. Une autre élève de première année, qui vient du Texas, restera comme moi au collège. Nous organisons de longues promenades et, s'il y a de la glace, nous apprendrons à patiner. Puis il y a la bibliothèque entière à lire et 3 bonnes semaines pour cela. Au revoir, papa. J'espère que vous vous sentez aussi heureux que moi. Toujours à vous, Joujou. Post-scriptum. N'oubliez pas de répondre à ma question. Si vous ne voulez pas vous donner la peine d'écrire, faites-moi envoyer une dépêche par votre secrétaire. Il peut dire tout simplement « Monsieur Smith est tout à fait chauve » ou « Monsieur Smith n'est pas chauve » ou « Monsieur Smith a des cheveux blancs » et vous pourrez déduire le montant de la dépêche de ma pension. Au revoir jusqu'à janvier. Je vous souhaite un joyeux Noël. Vers la fin des vacances de Noël, date inconnue. Cher papa Faucheux, est-ce qu'il neige chez vous? De ma tourelle, je vois tout enveloppé de blanc, et les flocons tombent drus, aussi grands que des pastilles de menthe. Il se fait tard, le soleil se couche, il est d'un jaune froid, derrière des sommets violets plus froids encore. Je suis assise à ma fenêtre, et je vous écris, éclairée par les dernières lueurs. Quelle belle surprise que vos 5 pièces d'or! Je n'ai pas l'habitude de recevoir des cadeaux de Noël. Vous m'avez déjà donné tant de choses, en somme tout ce que je possède, et je ne trouve pas que je mérite des extras. Mais je les aime tout de même. Voulez-vous savoir ce que j'ai acheté avec cet argent ? Premièrement, une montre en argent, dans une gaine en cuir, pour porter à mon poignet et me faire arriver en classe à l'heure. Deuxièmement, les poésies de Matthew Arnold. Troisièmement, une boule à eau chaude. Quatrièmement, une couverture de voyage, il fait froid dans ma tourelle. Cinquièmement, 500 feuilles in quarto, je commencerai bientôt mon métier d'auteur. Sixièmement, un dictionnaire de synonymes pour enrichir le vocabulaire de l'auteur. Septièmement, j'aurais préféré ne pas nommer cet article, mais je le ferai tout de même, une paire de bas de soie. Et après cela, papa, vous ne pourrez pas dire que je ne vous raconte pas tout. C'est un sentiment bien mesquin qui m'a poussé à acheter ces bas. Julia Pendleton vient dans ma chambre pour travailler sa géométrie et tous les soirs elle s'assied sur le canapé, les jambes croisées, montrant des bas de soie. Mais vous allez voir, dès qu'elle sera rentrée, les vacances finies, j'irai m'asseoir sur son canapé et je montrerai mes bas de soie. Vous voyez, papa, que je suis une petite créature impossible, mais au moins je suis franche. Et vous aviez déjà appris par mes notes de l'asile que j'étais loin d'être parfaite, n'est-ce pas ? Récapitulons. C'est ainsi que le professeur d'anglais commence toutes ses phrases. Je vous remercie mille fois pour mes 7 cadeaux. J'aime à m'imaginer qu'ils m'ont été envoyés dans une caisse par ma famille de Californie. La montre m'a été donnée par mon père, la couverture par ma mère, la boule à eau chaude par ma grand-mère, qui a toujours peur que je m'enrhume dans ce climat, et le papier in quarto par mon petit frère Henri. Ma sœur Isabelle m'a donné les bas de soie, la tante Suzanne les poèmes de Matthew Arnold. Mon oncle Henri, le parrain du petit Henri, m'a fait cadeau du dictionnaire. Il voulait m'envoyer des chocolats, mais je tenais à avoir les synonymes. Cela ne vous fait rien, j'espère, de personnifier toute cette famille ? Et maintenant, laissez-moi vous parler de mes vacances, à moins que vous vous intéressiez uniquement à mon éducation. J'espère que vous apprécierez ce qu'il y a de délicat dans cet « uniquement ». La jeune fille du Texas se nomme Leonora Fenton. C'est presque aussi comique que Jerusha, n'est-ce pas ? Elle m'est sympathique, mais pas autant que Sally McBride. Jamais je n'aimerai quelqu'un autant que Sally, excepté vous. Il est tout naturel que je vous aime plus que les autres, étant donné que vous êtes toute ma famille. Léonora, moi et 2 autres élèves, nous avons marché à travers champs chaque fois que le temps était beau, et nous avons exploré les alentours. Nous étions en robes courtes, avec des chandails et des bonnets tricotés, et dans nos mains des cannes pour taper sur n'importe quoi. Une fois, nous sommes allés jusqu'à la ville, 4 miles. Et nous nous sommes arrêtés à un restaurant où les jeunes filles du collège vont souvent dîner. Du homard grillé et comme dessert, des crêpes et de la confiture. Le tout pour un $0.50, nourrissant et bon marché. C'était tellement amusant, surtout pour moi, parce que cela ne ressemblait en rien à l'asile. Chaque fois que je quitte le campus, j'ai la sensation d'être un forçat évadé. Sans réfléchir, j'ai voulu raconter aux autres ce que je ressentais, mais je me suis arrêtée à temps. Du reste, j'ai toujours la plus grande peine à ne pas dire tout ce que je sais. Je suis de ma nature très communicative. Heureusement que je peux vous faire mes confidences. Si vous n'étiez pas là, j'éclaterais. Vendredi, nous avons fabriqué des caramels. Cette fête avait été organisée par la directrice pour les élèves qui, comme moi, sont restés au collège pendant les vacances. Nous étions 22 en tout, élèves de première et de deuxième année, des nouvelles et des anciennes, réunis confraternellement. La cuisine est immense, avec des casseroles et des pots en cuivre, suspendus par rangées le long du mur, et la plus petite casserole grande comme une lessiveuse. Nous sommes 400 jeunes filles dans notre partie du collège. Le chef, en bonnet et tablier blanc, est allé chercher 22 autres bonnets et tabliers blancs. Je me demande où il les a pris. Et nous nous sommes toutes transformées en chefs de cuisine. La petite fête était très réussie. Les caramels l'étaient moins. Quand tout fut terminé et que la cuisine, les boutons de porte et nous-mêmes fûmes devenus parfaitement gluants, nous organisâmes une procession et avec nos bonnets et nos tabliers, chacune tenant dans la main une grande fourchette ou une cuillère ou une poêle à frire, nous traversâmes les corridors vides. Nous nous rendîmes alors dans la chambre de la direction où une demi-douzaine de professeurs passaient tranquillement leur soirée. Nous leur donnâmes une sérénade avec des chansons du collège et nous leur offrîmes des rafraîchissements qu'ils acceptèrent poliment mais avec une pointe d'inquiétude. Nous les laissâmes en train de sucer des caramels qui leur collaient les dents et les rendaient muets. « Comme vous voyez, papa, mon éducation marche d'un bon train. Dans 2 jours, les vacances seront terminées. Je serai heureuse de revoir mes camarades. Ma tourelle est en soi peu triste. Quand 9 personnes habitent une maison construite pour 400, on sent le vide. 11 pages, pauvre papa, vous devez être fatigué. J'avais l'intention de vous écrire simplement un petit mot de remerciement, mais, une fois parti, ma plume ne s'arrête plus. Au revoir et merci d'avoir pensé à moi. Je serais tout à fait heureuse s'il n'y avait pas un petit nuage menaçant à l'horizon. Les examens commencent en février. Affectueusement à vous, Joujou Abbott. » Post-scriptum. Ce n'est peut-être pas correct de dire affectueusement. Si j'ai tort, pardonnez-moi. Mais je ne veux pas vivre sans affection. Et comme je n'ai le choix qu'entre vous et Madame Lipette, il faudra vous résigner, papa chéri, parce que je ne peux pas éprouver ce sentiment pour elle. Le soir. Si vous voyez comme tout le monde travaille ici, nous avons déjà oublié que nous avons eu des vacances. Les 4 derniers jours, j'ai fait entrer 50 verbes irréguliers dans mon cerveau. J'espère qu'ils y resteront jusqu'à la fin des examens. La plupart des jeunes filles vendent leurs livres de classe quand elles n'en ont plus besoin. Moi, j'ai l'intention de garder les miens, parce que quand j'aurai mon brevet, mon éducation tout entière sera étalée en rang d'oignon dans ma bibliothèque. Et je trouverai sans hésiter les renseignements qu'il me faudra. Ce sera beaucoup plus facile et plus sûr que d'essayer de tout se rappeler. Julia Pendleton est venue ce soir me faire une petite visite et est restée 1 heure entière. Elle s'est mise à parler famille. Une fois lancée sur ce sujet, il n'y avait plus moyen de l'arrêter. Elle demanda à connaître le nom de jeune fille de ma mère. Une jolie question à poser à quelqu'un sorti d'un asile d'enfants trouvé. Je n'avais pas le courage de répondre que je ne le savais pas. Et je me suis accrochée au premier nom venu, celui de Montgomery. Alors, elle voulait savoir si j'appartenais au Montgomery de Massachusetts ou au Montgomery de Virginie. Sa mère était une Rutherford. Les premiers Rutherford sont venus ici, dans l'Arche de Noé, et ils étaient alliés à Henri VIII. Du côté de son père, il remonte plus haut qu'Adam. Je pense que si je l'avais poussée un peu, elle m'aurait cité le nom de quelque ancêtre remontant à l'homme des cavernes. Je voulais vous écrire ce soir une bonne petite lettre, gaie et amusante, mais j'ai trop sommeil, et je suis inquiète. Le sort d'une élève de première année n'est pas heureux. À vous, en mal d'examen, Joujou Abbott. Dimanche. Mon cher papa Faucheux, j'ai de très, très mauvaises nouvelles à vous donner, mais je les garde pour la fin. Je tâcherai de vous mettre d'abord de bonne humeur. Jerusha Abbott va faire ses débuts comme auteur, sous le titre « Du haut de ma tour ». Un poème paraîtra au mois de février dans la revue mensuelle, à la première page, ce qui est un très grand honneur pour une élève de première année. Le professeur d'anglais m'aborda hier soir quand je sortais de l'église et me dit que c'était charmant, sauf le 6e vers qui avait trop de pieds. Je vous en adresserai un exemplaire dans le cas où vous voudriez le lire. Voyons si je ne peux pas trouver autre chose d'agréable. Mais oui, j'apprends à patiner et je m'en tire convenablement. Je sais également glisser le long d'une corde qui est accrochée au plafond de la salle de gymnastique. Et je saute une barre de 3 pieds 6 pouces de haut. J'espère bientôt arriver à 4 pieds. L'évêque d'Alabama a prêché ce matin un sermon des plus impressionnants. Il avait pris comme texte « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés ». Il s'agissait de la nécessité de pardonner les fautes d'autrui et de ne pas décourager les gens par des jugements sévères. Je regrette que vous ne l'ayez pas entendu. Nous avons aujourd'hui le plus ensoleillé, le plus aveuglant des après-midi d'hiver, avec des glaçons qui fondent aux branches des sapins. Tout le monde courbé sous le poids de la neige, excepté moi, qui suis courbé sous le poids d'un grand chagrin. Et maintenant la nouvelle. Du courage. Joujou, il faut parler. Bien sûr, vous êtes de bonne humeur ? J'ai échoué en mathématiques et en prose latine. J'ai pris un répétiteur et je compte passer le mois prochain un autre examen. Je regretterais si vous étiez contrarié. Mais quant à moi, je ne m'en soucie guère, vu que j'ai appris un tas de choses qui n'étaient pas dans le programme. j'ai lu 17 romans et des boisseaux de poésie, des romans qu'il fallait vraiment lire, comme « La foire aux vanités », Richard Feverel et « Alice au pays des merveilles », également les essais d'Emerson et « La vie de Scott » par Lockhart, ainsi que le premier volume de « L'Empire romain » de Gibbon et la moitié de « La vie » de Benvenuto Cellini. Comme il était amusant. Il sortait tranquillement de chez lui avant le déjeuner et tuait un homme en passant. « Vous voyez, papa, que je suis beaucoup plus instruite que si je n'avais travaillé que mon latin. Voulez-vous me pardonner cette fois si je vous promets de ne plus jamais échouer ? À vous, en pénitente, Joujou. »